T'enregistres après tu m'envoies. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بعد أن تذاكرنا بعد ما يتعلق بالبسملة قال المؤلف عليه رحمة الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم رب العرش العظيم فالمؤلف من ها هنا دعا لكل من تتلمذ عنده واستفاد من علمه ولو بقراءة أو سمع. Donc là, le mu'allif, il commence son livre, après qu'on a évoqué bien sûr les fawaïd sur la basmala, il commence directement par une invocation en faveur de toute personne qui étudie avec lui ou toute personne qui va profiter de sa science ou qui va entendre son prêche. Tamam. وَهَذَا يَدُلُّ على عظام لطفه بطلابه. Et ça montre la grande douceur qu'il avait avec ses élèves. وهذا مما ينبغي. فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. Et Allah سبحانه وتعالى dit au sujet de son prophète, si tu étais dur, hein, si tu étais rude, avec un cœur dur, les gens t'auraient fui. هذه من سنن الله عز وجل الكونية أن الناس ما يحبون الشدة وما يحبون الغلظة سواء كان في العلم وغيره. الناس ما يحبون ذلك. فالإنسان عليه أن يرفق بمن حوله من طلابه أو من أقاربه أو من إخوانه. Donc ça c'est une tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a créé l'être humain comme cela. C'est-à-dire que l'être humain, il n'aime pas la dureté, il n'aime pas la rudesse, il n'aime pas qu'on soit dur avec lui. C'est pourquoi il est légiféré, que ce soit dans la science ou autre, de faire preuve de douceur envers les gens qui nous entourent. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق. الله سبحانه وتعالى il est doux et il aime la douceur. ويؤتي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. Et Allah سبحانه وتعالى il donne par la douceur ce qu'il ne donne pas avec la dureté. نعم. فالإنسان إذا كان داعيا إلى الله عز وجل فعليه أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه من أوامر ربنا جل وعلا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, appelle au sentier de ton Seigneur par la sagesse et par les sermons et appelle par ce qui est de meilleur. Prêche aux gens de la meilleure des manières. Na'am. Fa ni'ma sani' min an yabda bihadihi al-ad'iyah al-nafi'ah hatta yajlib qulub al-sami'in. Et c'est une très bonne manière d'enseigner que de commencer par d'invoquer pour celui qui écoute ou pour celui qui étudie, car cela attire le cœur ou les cœurs des élèves. et de toute personne qui entend cela. طيب هناك قصة عن الأعمش سليمان بن مهران أحد السلف أحد الأئمة من أئمة الحديث. Il y a un récit qui concerne un des grands imams parmi les imams du hadith qui s'appelle Al-A'mash. Il est surnommé Al-A'mash, le borgne. Et son prénom, c'est Sulayman ibn Mihran. Il fait partie des grands imams du hadith. Il a été dit dans sa biographie que lorsque ses toulab venaient à lui dans sa maison, il leur envoyait un chien qui les coursait pour les mordre. Ceux qui laissaient tomber, qui repartaient chez eux, et ceux qui insistaient jusqu'à ce qu'ils arrivaient à esquiver le chien et à rentrer dans la maison, فكان يعرف منه الجد والاجتهاد في طلب العلم. Et c'est par ce test-là qu'il éprouvait ses élèves pour voir qui d'entre eux était le plus déterminé à prendre le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيل أنه كان إذا كان على الكرسي وتلميذه تحته فيبصق في وجهه. Et il a été dit que lorsqu'il donnait cours sur son bureau et qu'il y avait son élève en dessous de lui qui prend la science, ça lui arrivait de cracher sur lui en plein visage. Cet imam, il crache sur son élève en plein visage. Tout ça, c'est pour Mada, pour l'éprouver. Pour éprouver ses élèves et voir si vraiment ils veulent la science ou pas. Tamam? هذا سيتدي دانسا بيوغرافي ونحن أهل السنة أليس كذلك؟ لجنة السنة ونقول سلفيون سلفي c'est-à-dire on suit les pieds prédécesseurs. طيب est-ce qu'on peut faire le même faire que سليمان بن مهران؟ est-ce que c'est un دليل؟ ما هو الدليل؟ واش الدليل؟ قول الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فما جاء به الله سبحانه وتعالى في كتابه أخذنا به وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به وما جاء عن السلف ويعارض النصوص الشرعية الثابتة تركناه. Est-ce qu'on voit des salaf qui est venu des salaf et qui contredit les textes de la sunna ou du Coran, on les laisse. Eux, ils étaient à une époque qu'on appelle le Qur'an al-Mufaddala. Il y a des époques remplies de bénédictions. Lui, s'il fait ça, c'est que les gens de cette époque-là, ils étaient capables de supporter. Ils étaient capables de supporter et ils étaient capables, ou plutôt, ce genre de comportement, ça les renforçait. Ça renforçait ces étudiants et ça renforçait leur motivation. Ah, ma fille, Yamina Hadi, ma. ربما إذا وجدت هذا من عالم من العلماء ربما تكفره. نعم نعم. الشاهد أن الأمر في الدعوة الأصل أنه يدعى الناس بالرفق. تمام. وهذا شامل لأصحاب المسجد وللأبناء والبنات والأهل والإخوان والأمهات والآباء. Et ce comportement-là, c'est-à-dire le fait d'appeler les gens avec douceur, c'est pas spécifique aux gens de la mosquée. C'est pas spécifique aux élèves en sciences. Mais en vérité, c'est avec toute personne. Même tes enfants, tes enfants, tes filles. Si tu leur enseignes la religion, enseigne-leur avec douceur. وكذلك ton épouse ou ta mère ou ton père ou ayyiji walaw kunta faddan ghalid alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wasfah. Na'am. طيب دونك سا سي لو ديبي دو سيت رساله النافعه من الامام محمد بن عبد الوهاب دونك كومونس بار اون دعاء طيب وهناك فائده حول الدعاء وهو ان الدعاء تنقسم الى قسمين l'invocation elle se divise en deux دعاء عبادة دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء عبادة ودعاء المسألة Donc la dua elle se divise en deux. Une dua qu'on appelle dua d'adoration. Une invocation d'adoration. Et une dua qu'on appelle une dua, c'est-à-dire une demande. تمام فالدعاء العبادة أن يتعبد به المدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه أن يتعبد به المدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه donc la dua qu'on appelle dua al-ibada la dua de l'adoration c'est en fait c'est tout acte d'adoration que l'on fait pour la personne adorée en recherchant la récompense de lui et par crainte de son châtiment. Tout acte d'adoration effectué pour la personne adorée ou pour l'être adoré en recherchant sa récompense et en craignant son châtiment. تمام وهذا لا يصح لغير الله وهذا لا يصح لغير الله فهو شرك اكبر مخرج من المله et cette forme de dua elle n'est pas permis pour autre qu'Allah elle n'est pas permis d'être vouée pour autre qu'Allah طيب الان اذا قلت لكم الصيام الصوم est-ce que c'est une dua ibada c'est une dua ibada pourquoi parce que c'est un acte d'adoration qui est fait pour Allah en espérant sa récompense et par crainte de son châtiment tamam فالصوم dua ibada et ce n'est pas permis de le détourner de détourner ce genre de d'invocation pour autre qu'Allah تفضل طيب والنوع الثاني دعاء المسألة le dua qui est fait sous forme de demande وهو دعاء الطلب c'est une invocation يعني sous forme de demande طيب أي طلب الحاجات c'est-à-dire le fait que tu demandes une chose que tu as besoin طيب فهناك دعاء عبادة ودعاء مسألة طيب الصلاة أو قبل هذا نقول الزكاة أو الصدقة الصدقة لا صدقة سرون دون كل تيب دو دعاء تفين صدقة دعاء دادوغاسيون نعم أحسن دعاء العبادة طيب طلب العلم أو قراءة القرآن دعاء ماذا؟ دعاء عبادة طيب وقد تكون دعاء مسألة لكن هي دعاء عبادة طيب الصلاة La prière, c'est bien. Dua ibada ou la dua masala? Ibada? Ibada? Ibada wa masala. Pourquoi? Parce que dans la salah, t'as le ruku', t'as le qiyam où tu lis du Coran. Mais tu as le sujoud, tu invoques Allah, tu demandes des besoins. Tu demandes des choses que tu as besoin. Tamam? Fa'ada tashmal al-ithnin. Donc la salat, elle comprend les deux formes de dua. Dua ibada, parce que c'est un acte d'adoration que tu fais par crainte d'Allah Azzawajal, par crainte de son châtiment, et en espérant sa récompense. Et aussi, c'est une dua mas'ala parce que tu demandes des choses à Allah Azzawajal. Ça y est. En fait, c'est quoi? Pourquoi on a appelé dua ibada? Pourquoi on a appelé les actes d'adoration que tu fais par crainte d'Allah et en espoir de sa récompense? Pourquoi on dit que c'est une dua? Dua ou ibada? Pourquoi c'est les actes d'adoration qui sont faits pour en espoir d'Allah, en espoir de la récompense et par crainte du châtiment, pourquoi on dit que c'est une dua? Mais encore الدعاء هو العبادة. Mais encore, on dit tout simplement que c'est une dua parce que toi quand tu fais la salat ou quoi, toi quand tu jeûnes, c'est comme si tu invoquais Allah Azza wa Jal pour qu'il te récompense. Tu vois ce que je veux dire? Cette adoration que tu fais là, elle a pour sens: ô Seigneur, récompense-moi. Tamam? Ou ô Seigneur, protège-moi de ton châtiment. C'est pourquoi on dit c'est une dua. C'est pourquoi qu'on l'appelle dua. Tamam? Non. Donc, dua al-mas'ala, on a dit dua al-ibada, on ne peut pas la tourner pour autre qu'Allah. C'est-à-dire la salat, le siyam, le hajj, ou ghayr dhalik, ça ne peut pas être tourné pour autre qu'Allah. Tandis que. C'est quoi le ta'rif déjà? De ce dua al-ibadah? An yata'abbada bihi. An yata'abbada bihi al-mad'u talaban li thawabihi wa khawfan min 'iqabihi. طيب ودعاء المسألة هي طلب دعاء طلب أي طلب الحاجات وهو عبادة إذا كان من العبد لربه c'est une adoration, c'est-à-dire la dua mas'ala, c'est une adoration si c'est entre le serviteur et son seigneur, c'est-à-dire quand le serviteur il demande à Allah Azza wa Jal, c'est une adoration. تمام ويجوز اذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين اذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الاجابه اي اذا كان يعني المدعو قادرا حاضرا حيا il est permis de tourner de vouer la dua mas'ala pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Mais ceci à certaines conditions. Que celui que tu invoques ou que tu appelles, il soit présent, il soit vivant, et il ait la capacité de répondre à ton appel. Et aussi, on rajoute une quatrième, c'est que ton cœur ne soit pas accroché à lui. C'est une cause, quoi. Voilà, que tu le considères comme une cause. Et non pas comme celui qui fait les causes. Car ça, c'est la croyance que tout un chacun doit avoir envers Allah Azza wa Jal. Faqat. Naam. Attends, tu peux répéter ce que tu as dit, il est permis? Ouais, il est permis de vouer l'invocation, la dua al-mas'ala, pour autre qu'Allah. Par exemple, « Oh, un tel vient me secourir. »« Oh, Sofiane, viens à mon aide. » C'est permis que, au lieu que je dise « Oh Allah, viens à mon aide », c'est permis que je dise « Oh Sofiane, viens à mon aide ». Mais il faut que tu sois présent, faut que tu sois capable, et faut que tu sois vivant. Et aussi, il faut que mon cœur ne soit pas accroché mon cœur ne repose pas sur toi. Donc ça, cette dua-là, elle est permise d'être tournée pour autre qu'Allah, avec ces conditions qu'on vient d'évoquer. Le fait de demander à des personnes qui sont mortes, comme le font les soufis ou autres, فَهَذَا شِرْكٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ. Ça, c'est du shirk pur et simple, et selon l'unanimité des savants, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam dans son livre Al-Istirahatha. كذلك on va évoquer une petite faïda. Une petite faïda qui concerne aussi l'invocation. Est-ce qu'il est permis d'invoquer Allah bi sifatihi, d'invoquer les sifats d'Allah Azza wa Jal? Par exemple, tu dis, madame, ô miséricorde d'Allah, fais-moi miséricorde. Ô miséricorde d'Allah, fais-moi miséricorde. La question, c'est est-ce que tu as le droit de dire ô miséricorde d'Allah, fais-moi miséricorde? Là, tu invoques l'attribut d'Allah. Il y a une parole de Salaf qui dit le fait de parler sur les attributs d'Allah, c'est comme de parler sur son être. Donc est-ce qu'il est permis de dire ô miséricorde d'Allah, fais-moi miséricorde? Là, جميل. طيب وانت سيسوي ماذا ترى؟ ايش لك عندي؟ نعم. مي سي كوا الجوجمون alors celui qui fait ça c'est du shirk. ابو عبد الله يقول سي دي شرك. سوبر اللي ديو ان توكا سي نيرور. نعم وانت يا محمد سي دي شرك. Le fait de dire cela, c'est du shirk. Et c'est formellement interdit, comme a évoqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah fi kitabihi al-istighatha. Amma du'a'u sifatihi wa kalimatihi fa kufrun bi-ittifaq al-muslimin. Cheikh l'Islam il te dit que le fait d'invoquer les attributs d'Allah, c'est de la mécréance selon l'unanimité des saints. طيب وشيخ العثيمين يدي il explique cette parole là en disant que ça c'est seulement si la personne elle vise réellement l'attribut d'Allah, mais si elle veut elle vise Allah Azza wa Jal à travers ses attributs, فلا بأس. شيخ الوثيمين يقول هذا في فتاواه. من نحن نقول عقل شيء هو محدث. C'est une bid'a. Même si il voulait invoquer Allah, c'est une innovation. dans laquelle on se doit ou à laquelle on se doit de s'éloigner. Tamam? Tayyib. Inch'Allah, la dernière faïda avant qu'on passe au dars suivant. من آداب الدعاء أن يبدأ الإنسان بدعاء بالدعاء لنفسه كما قال الإمام الصنعاني في سبل السلام يعني في شرح حديث ابن عباس الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم وأنتم سلفنا ونحن بالآثار. قال الإمام الصنعاني هذا يدل على أن الإنسان إذا دعا لأحد أو استغفر له يبدأ بالدعاء لنفسه. Donc là, c'est une petite faïda, la dernière faïda qu'on prend concernant ce cours, qui fait partie des comportements à avoir lorsque tu invoques pour une personne, que tu commences d'abord par qui ? Par toi-même. Que tu commences d'abord par toi-même. Comme c'est venu dans le hadith de Abdullah ibn Abbas. Lorsque le prophète sallam il est arrivé devant les tombes de Medina, il Baqir, il a dit ô habitants des tombes, qu'Allah nous pardonne ainsi qu'à vous. Vous êtes nos prédécesseurs et nous sommes sur vos traces. Ouais. Donc la personne, lorsqu'elle invoque, elle commence par elle-même. Donc l'invocation, yani l'invocation, elle se fait de quatre manières. Que la personne, elle invoque pour elle-même. Que la personne elle invoque pour autre qu'elle-même. Que la personne elle invoque pour elle-même et pour autre. Avec le pronom au pluriel. Allahumma ghfir lana. Là, tu invoques pour toi ainsi que pour quelqu'un d'autre. T'as-y-t-il ? Et aussi que tu invoques, quatrièmement, que la personne elle invoque pour elle-même et pour autre. Donc elle commence par elle-même. Tamam. Là, l'imam, là, l'imam Mohamed ibn Abdelhab, il a invoqué pour qui ? Pour les gens. Il a invoqué pour ses étudiants. Donc, est-ce qu'il a commis une erreur ou pas ? Non, parce qu'il y a le deuxième cas où tu as invoqué pour les étudiants. Non, il n'a pas commis d'erreur. Parce que là, il a invoqué pour ses élèves. Et ça, c'est permis. Tamam. Les cas, le premier cas, que la personne elle invoque pour elle-même. Le deuxième, qu'elle invoque pour autre qu'elle-même. Le troisième, qu'elle invoque pour elle-même et pour autre avec un pronom en commun. Ça y est. Et la quatrième, qu'elle invoque pour elle-même et pour autre. Donc là, elle se doit de commencer par elle-même et ensuite par autre. Et ça, ils disent que ça fait partie du comportement. Donc le fait de commencer par autre que toi-même dans la dua, alors que toi aussi tu fais dua pour toi-même, ça, c'est un manque de comportement. Et les savants, ils ont blâmé le grand imam Ibn Salah, lorsqu'il a écrit sa muqaddimah, dans quelle matière ? Muqaddimah Ibn Salah. Dans quelle matière, Ismail ? Muqaddimat ibn Salah ? Hadith. Eh, naam. Mustalah al-Hadith. C'est le livre de base concernant la science du Hadith. Et ça, c'est l'un des plus grands imams dans cette science, Ibn Salah. Il a commencé son livre en disant I'lam, allamak Allah wa iyay. Sache qu'Allah t'enseigne. Ainsi qu'à moi. Quand il a commencé cette muqaddima par quand il a commencé son introduction par cela, alors les savants ont fortement réfuté sa parole. يعني en disant que ce n'est pas parmi leurs comportements qu'ils commencent par autre que lui. Et après, il fait suivre une dua pour lui-même. Tamam. وانا اكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. Quand tu dis il y a un roc,